Perchés au-dessus du berceau de la belle au bois dormant, ils avaient tué le grand Perrault pour déranger son conte charmant. Ils remplaçaient les sept fées, Belphégor, Belzébuth, Satan, Lucifer, Mammon, Asmodée et le monstrueux Léviathan. La patience, la fureur, la rancœur. petite humaine dans ton berceau, moi je t'offre l'orgueil. Tu seras la plus méprisante de mes filleules, mais aussi la plus solitaire des âmes fières. Voici le cadeau du diable, un présent de Lucifer. Au jamais, ma princesse, tu ne seras capable de tendresse. Aucune ferveur ne serait un risque de toi, bien qu'être reine. Tu mourras seul au milieu de tes richesses. Thank you.